Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler avec notre ami François Paquette. Salut François. Salut Danny. François, évidemment, on était hier aux les funérailles de Guy Lafleur. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça très... Écoute, quand t'as Ginette Renault, tu te trompes pas. Là, puis quand, vraiment, là, c'est toute qu'une dame. Hein? C'est toute qu'une dame. Ah oui, incroyable, incroyable. La seule chose, je disais à ma blonde, tu sais... pas un peu en farce, j'aurais aimé ça qu'elle chante ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Elle avait chanté cette chanson-là. Ouais. C'est-tu bien? Je pense que c'est Jean Béliveau aussi, en tout cas qu'elle. Mais je pense qu'avec Jean Béliveau, non, Jean Béliveau, je pense que c'est peut-être au Centre Bell qu'on l'avait joué. Ouais. Quand on avait eu la cérémonie, tout ça. Fait que écoute, c'est une chanson que j'aime beaucoup, puis j'associe un peu à le décès d'une légende du Canadien. Mais je trouve que, écoute, ça a été bien fait. J'ai trouvé honnêtement que l'entourage canadien, les gens ont été très généreux parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de parler dans des situations comme ça. Fait que je trouve que je pense que les médias ont étiré l'élastique au maximum. Ça m'a agacé certaines choses des fois, là, d'aller chercher des gens qui tu dis, ouais, laissez-les peut-être donc tranquille un petit bout de temps. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été bien fait. J'aimais ça de voir que tu sais il y avait pas juste les réseaux sportifs qui en parlaient, que ça a touché le Québec au complet. Je pense que dans l'ensemble, c'est un événement triste, mais qui a été très bien célébré dans les circonstances. La seule chose, on aurait pu laisser faire le masque, là. Moi, là, regarde, c'est des images qui fait le tour du monde, puis le masque d'en face. Moi, c'est ça. Wow. Moi, j'ai pas aimé ça. Je dis une affaire, Moi, ça m'a pas marqué dans le sens où je pense que dans le contexte où il y a beaucoup de personnes âgées dans l'église et tout ça, je pense que je peux comprendre de toute façon qu'il y en aurait probablement plusieurs qui l'auraient mis d'une façon ou d'une autre. Fait que, écoute, je pense pas que ce soit une grande histoire. De toute façon, d'ici quelques semaines, on n'en parlera plus du fameux match. Bon, OK. On va parler maintenant de la Ligue nationale de hockey. On va se tourner vers d'autres choses à un moment donné. Là, à un moment donné, il faut continuer à vivre. Comme la vie continue, comme on dirait. Là. Donc, écoute, Washington qui a battu les Panthers, Tampa Bay qui a battu Toronto. Moi, j'ai mis Tampa Bay en 6, mais les Leafs sont... Bon. Est-ce que je me trompe en disant que peut-être il y a du monde qui savent que ça passe ou ça casse cette année, là, puis il y a plus de chances que ça casse que ça passe? C'est sûr que Jack Campbell, c'est la clé. Hein? Oui, mais ils ont joué tout un match de hockey. Ouais. Là, je veux dire, c'était presque un match parfait, mais tu sais, moi, je me dis souvent, Lightning gagne ce soir, là, le match numéro 2, puis qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, Lightning a le vent dans les voiles, ils retournent à la maison, sont allés gagner un match. Tout peut basculer. Puis même si Toronto gagne, il faut que s'en aille tu gagner là-bas, puis voir comment ils vont se débrouiller sur la route. Mais j'ai été vraiment, vraiment, vraiment impressionné par leur prestation. Tu sais, à un moment donné, tu dis des fois, faut que tu contrôles les 10 premières minutes quand tu es sur la route, le premier match. Exemple, ce que Nashville n'a pas réussi à faire au Colorado dans le premier match. Mais on dirait que je me disais toujours, le Lightning va se replacer. Puis pourtant, en tout, il y a des gars qui ont connu des matchs horribles, puis des kingpins, là, des vrais... 0-5. L'avantage numérique, 0-5. Et je veux dire, le 5 minutes de Cal Clifford, c'était amplement mérité. Puis non seulement, ils n'ont pas menacé, ils ont donné 3 surnoms durant cet avantage numérique-là. Fait que j'ai hâte de voir, écoute, c'est les champions en dessous de la Coupe Stanley. Il y a beaucoup de vétérans, c'est sûr qu'il n'y a pas de panique, mais je pense qu'on va avoir une équipe très, très, très différente dans le match numéro 2. C'est de voir si les Leafs sont capables d'appliquer la même recette qu'ils ont fait dans le match numéro 1. J'ai hâte de voir, en tout cas. Fait que ça va être à suivre. Et hier également, Pittsburgh qui a gagné contre les Rangers. Écoute, même s'ils ont gagné, écoute, Louis, tu ne peux pas gagner avec ton goaler numéro 2. Ça va être difficile pour les Penguins. Oui, bien là, j'ai hâte de voir la suite des événements parce qu'on nous avait dit que Tristan Jarry, c'était au minimum les 2 premiers matchs. Ouais. Là, quand on a vu que Casey DeSmith ne revenait pas pour la 3e prolongation, on se dit, oh, c'est probablement pas des crampes, c'est une blessure. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour lui demain, c'est un gars qui a traîné son baluchon. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, à une certaine époque, il y avait une prise de bec avec Patrick Roy qui avait été assez célèbre. C'est un gars qui a du caractère, mais c'est un numéro 3. Là, c'est un gars qui n'a jamais été capable vraiment. Il y a eu une saison, je pense, qu'on l'a utilisé un petit peu plus à Tampa. Mais dans l'ensemble, ça a toujours été un numéro 3, puis je pense un gars de la Ligue américaine. Mais écoute, il embarque dans la deuxième prolongation. Il n'a pas fait d'arrêt miraculeux, mais il a fait sa job. Puis résultat, les Pingouins gagnent ce match-là. Puis ça peut avoir un impact énorme parce que je veux dire, juste le fait de perdre le match, c'est une chose, mais d'avoir joué presque 3 périodes de prolongation supplémentaires pour perdre en bout de ligne. Puis surtout que le, je sais pas si tu as vu le but controversé qui a été refusé aux Rangers en fin de troisième. Le gardien de but qui se fait ramasser par le joueur des adverses, mais est-ce que c'est le défenseur qui l'a poussé? Finalement, on refuse le but aux Rangers. Je pense que ça aussi, ça peut laisser des traces, une défaite qui pourrait faire très, très mal aux Rangers de New York. Hubert devant, en tout cas. Aussi, ce qu'il faut, les Capitals qui ont eu 4-2 sur la Floride hier, c'est les Panthers, ont été beaucoup les voyaient là, mais tu sais, il faut apprendre à savoir comment gagner. Ça pourrait-il arriver que les Panthers se fassent sortir? Oh, moi, je pense que oui, certainement. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, ma réflexion, c'était si on fait confiance à Bobrovsky, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais dans le match numéro 1, Bobrovsky a absolument rien à se reprocher. Il a été très bon, honnêtement. Puis c'est pas lui qui a perdu ce match-là. Mais tu sais, il y a une autre chose aussi, c'est qu'on oublie, je pense, que les Caps sont encore une très bonne équipe. Ils ont eu un passage à vide assez long en fin de saison. Il y a beaucoup de blessures, des difficultés devant le filet. Mais ça reste, écoute, c'est une très, très bonne équipe. Puis, je pense que les Panthers vont quand même renverser la situation, mais je suis pas sûr qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, parce que c'est beau d'avoir 3 trios offensifs et marquer 5 buts par match, mais c'est pas de même que ça se gagne en série. Puis je trouve que, moi, un club que j'aime, c'est les Flames de Calgary. Ouais. Tu regardes ce qui est arrivé dans le match numéro 1, ils gagnent un match de 1-0, mais ils sont capables de gagner un match 5-4 aussi. Je pense que c'est plus un genre de club qui est fait pour les séries, mais je pense c'est Johnny Gaudreau, hein, Johnny Gaudreau qui est la pierre angulaire de l'équipe. Lui, historiquement parlant, il a pas des, c'est pas le gars pour les séries. Hein. Non, puis écoute, c'est un trio qui leur garde bien de but parce que les trois gars, Kachuk, Lennon et Gaudreau, ont tous marqué 40 buts sur le même trio. C'est assez incroyable dans les années d'aujourd'hui. Puis Markstrom a été fabuleux depuis le début de la saison. Puis hier encore, c'est ça la recette. C'est Lennon qui marque le but. Markstrom a un jeu blanc. Il joue très bien défensivement. C'est un club qui est tough. C'est un club de papier sablé qui est plate à affronter. Puis moi, je trouve que s'ils gagnent, en affrontant le gagnant de Edmonton ou Los Angeles, c'est un adversaire qui est très, très, très abordable pour eux aussi. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis ça aussi, Danny, j'ai hâte de voir comment les Oilers vont rebondir. Parce que j'ai hâte de voir si les deux passent, on va avoir un duel choc entre Edmonton et Calgary. Là. Ça va être choc, là, vraiment. Là. Mais est-ce qu'Edmonton va savoir rebondir? Moi, je dis Kings, c'est pas un club qui est le fun à affronter non plus. C'est pas le club le plus talentueux. Mais écoute, ce que je trouve plate, c'est que je pense que Mike Smith a connu une bonne fin de saison. On savait tous qu'il allait arriver quelque chose. On dit tous à un moment donné que ça va être un sapin au mauvais moment. Mais il donne la rondelle à l'adversaire. Il reste quoi, 5-6 minutes au match? C'est 3-3. Il y a une passe dans l'enclave devant son filet. Ils se font marquer 10 secondes plus tard. C'est épouvantable. J'ai hâte de voir, mais les Oilers, c'est un autre club qui n'est pas nécessairement bâti pour les séries et les matchs de bas pointage. Mais on pense qu'avec l'entraîneur Woodcroft, c'est un gars qui aime beaucoup le jeu défensif, que ça va être différent, mais il faut absolument qu'il gagne le match numéro 2. OK. On va parler un peu du Canadien, François. Ken Hughes a mentionné ce matin que sur les ondes du 91-9 qu'il n'y a aucun gardien de but qui a le profil pour être un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale. Ça, c'est vrai. Je regarde, on parle beaucoup de Shane Wright, on parle beaucoup de... Mais je pense qu'avec la fin de la première ronde, début de deuxième ronde, est-ce que c'est urgent d'aller chercher un bon gardien de but? Parce que Kaden Primo n'a rien prouvé cette année. Il n'a pas prouvé qu'il y a le potentiel pour être un numéro 1 dans la Ligue nationale. C'est la même chose pour Doubles, qui est un gardien de but qui a eu une belle année avec Ohio State, mais c'est un choix de cinquième ronde. Tu sais, à un moment, c'est-tu urgent, d'après toi, avec le deuxième choix, d'aller chercher un gardien de but d'avenir, pas mal le meilleur gardien de but disponible? Oui, ça dépend quand même de la mentalité de ce que le Canadien pense par rapport à la prochaine saison. Moi, je pense que si l'opportunité se présente, il faut certainement que tu y penses, mais tu sais, je peux te dire que sur le marché, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là, puis ton point est bon dans le sens où, moi, écoute, je souhaite première ronde là, du Canadien, premier, il va être 1, 2 ou 3, ça, tu vas te garder, là, même si tu n'as pas le premier. C'est pas Shane Wright, ce sera Logan Cooley, puis il y a un bon Slovaque également, puis on verra. Ouais. Mais après ça, tu as tellement de choix que tu peux peut-être réussir à aller chercher un gardien de but qui peut t'aider. Mais en même temps, dans les circonstances, je me dis, si tu n'es pas sûr que tu peux compétitionner l'année prochaine, c'est peut-être Jake Allen qui est ton plan A pour le moment. Parce que je regarde à travers la Ligue nationale, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent des gardiens de but. Le prix est très élevé si tu veux en avoir un de grande qualité. Puis là, le dossier de Carey Price, parce que c'est un peu touché dans le sens où, tu sais, on n'aura pas la réponse la semaine prochaine. Ça va peut-être être le 22 août, le 13 septembre, le 15 octobre, qu'on va se dire, il va-tu jouer, il ne jouera pas. Je trouve que ça met Cam Hughes dans une position difficile. Mais regarde les 8 équipes en série dans la division Est. Mm. Dis-toi, sincèrement, est-ce que le Canadien a une chance de compétitionner l'an prochain? 8 équipes de 100 points. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut que tu te dises, soit que c'est Jake Allen, soit que c'est un jeune gardien de but à quelque part, mais je pense pas que tu, faut que tu dépenses pour aller te chercher un gardien de but numéro un, entre guillemets. Là, je pense pas mais que c'est le bon moment. Ça n'en prend. Non, mais je veux dire, pour repêcher, ça va en prendre un dans 2-3 ans. Là. Puis faut commencer vraiment à se pencher là-dessus là, pour la relève. Oui, mais moi, je trouvais que Candios a été honnête dans son entrevue parce que tu sais, Jake Allen a une certaine valeur. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient s'intéresser à ses services, mais c'est pas, tu sais, il n'est pas là en train de le vendre comme un numéro un. Il faut être honnête que Kaden Primo n'a pas l'air du tout d'un gardien de la Ligue nationale. Quand on le rappelle, il me semble qu'il a l'air trop petit et pas assez solide pour la LNH. Puis les projets qu'on avait, ben on verra, mais les projets, souvent, c'est 2, 3, 4 ans. Fait que je suis d'accord là-dessus quand même qu'il faut y penser, là, parce que si tu veux compétitionner d'ici 2-3 ans, il faut que dans ton plan, quand même, tu aies un gardien dit très solide. Puis présentement, le Canadien ne l'a peut-être pas dans son organisation. OK. Comment tu as trouvé les choix de nos Pats? Mel Kiper a dit c'est le gourou des repêchages donne C+. Ouais. À peu près. Mais tu sais, mon spécialiste des repêchages, là, lui, il suit beaucoup la NCAA, puis il me l'avait dit. Le gars, il ne connaissait même pas, parce qu'il n'y a pas personne qui connaissait. C'est du grand Belichick, parce que je parle du choix de première ronde, là. Tiens, quelque part, faut pas trop chialer non plus. On a été l'organisation, les partisans de sport les plus gâtés en Amérique en Amérique du Nord dans le sport professionnel. Mais puis en même temps, les Pats, c'est pas la même philosophie que tout le monde. Si Belichick a vu de quoi, c'est parce qu'il y a un plan pour lui, il y a une manière de penser. Et il va avec le plan des Pats. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, puis moi je vais t'expliquer, puis je pense que j'ai compris pour certains joueurs. Il y a des gars que c'est assez facile à comprendre. Ils ont repêché le meilleur receveur de passe et le meilleur porteur de ballon pour le 40 verges au combine. Ce sont les deux gars les plus rapides dans leur fiche respective. Et il y a eu un article, je pense que je ne veux pas me tromper, c'est sur ESPN, où on a fait un peu ce qu'on appelle les statistiques avancées. Tu sais, c'est très populaire au baseball maintenant, mais on expliquait qu'avec les statistiques avancées, un gars comme Strange, le joueur de ligne offensive qu'ils ont pris en fin de première ronde, serait classé quelque part dans le top 100 des meilleurs joueurs de ligne offensive depuis le repêchage, depuis 1987. C'est-à-dire, c'est des statistiques avancées de complètement. Ouais. Il y a 2 ou 3 joueurs qui se retrouvent avec ces statistiques avancées-là beaucoup plus haut que dans leur classement qu'ils étaient sur la liste. Fait que ça donne l'impression que les Pats ont vraiment joué avec les chiffres en disant on rencontre les gars, puis on se rend compte que c'est des gars très intelligents qui vont bien fitter, puis nous, on les veut absolument. Puis, tu sais, on ne croit pas de cachette que tu aurais pu attendre probablement la deuxième, troisième ronde pour prendre Strange, mais il le voulait absolument. La question est de savoir, est-ce que dans 5 ans, tous ces gars-là vont avoir eu un impact sur des passes, ça, c'est une autre histoire. Mais je suis d'accord avec toi que, écoute, c'est impossible de critiquer un repêchage quand on n'a pas vu la moitié des, même plus que ça, la plupart des joueurs qui ont été repêchés. Mais j'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. Ce qui est drôle, c'est qu'NFL Network et ESPN n'avaient même pas les films de Strange. Pour te donner une idée, là, comme. Et puis eux autres, ils en font un profil. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Les Ravens de Baltimore semblent être l'équipe et les deux équipes de New York qui semblent être les équipes qui ont été gagnées, selon les spécialistes. Oui, beaucoup aimé ce que les Jets ont fait. Tu avais besoin d'être un petit peu partout. Les Lions, c'est sûr que, écoute, il y a des équipes comme ça qui ont tellement de choix au repêchage que tu te dis, tu peux presque pas te tromper. Puis, tu sais, les Lions, je dirais pas un cadeau du ciel, mais le tu sais, Hutchinson, qui vient du Michigan, qui a joué à Michigan, reste chez eux, c'était fantastique. Les Jaguars sont plus allés pour un projet. Puis, c'est drôle parce que. Es-tu là? Willis, écoute, au Combine, on dit que ce gars-là a volé le spectacle par sa personnalité, sa prestation, sa prestance aussi. Puis là, ce gars-là va sortir de bonheur, puis finalement, il sort en 3e. Sam Howell aussi. Sam Howell, que l'année passée, il était classé dans le top 10, tu sais, dans les mock drafts l'année passée. Là, il n'a pas connu une bonne saison, mais écoute, il y a quoi, 5e ronde qui est sorti aussi? Oui, je pense que oui, parce que il y a eu Desmond Ryder qui est sorti à Atlanta un petit peu plus tôt, puis il y avait Corral, puis il y en avait un autre. Écoute, finalement, celui qu'on a parlé le plus ensemble dans les derniers mois, c'est Kenny Pickett. Je me demandais si les Steelers allaient prendre la chance. Puis honnêtement, je suis content qu'il l'ait fait. Tu vas te rappeler, il y a très longtemps qu'il était passé à côté de Dan Marino. Et là, ils ont dit, le gars qui joue à l'Université de Pittsburgh, on le prend. Il y a eu toute une histoire avec la grandeur de ses mains, comme quoi il y avait des petites mains et qu'il ne pourrait pas connaître du succès. Mais je pense que si le gars a du talent et du caractère, il va être capable de faire sa place. Puis honnêtement, avec juste, disons, Mitch Trubisky, puis pas grand-chose d'autre au niveau des corps arrière, il y a Mason Rudolph, je pense qu'il est encore là. Mais pour le reste, si le jeune joue bien, il y a certainement une chance de jouer dès la prochaine saison. OK. Basket, on va parler de basket. Les Raptors, tu as cru qu'ils allaient remonter? Moi, écoute, à un moment donné, j'ai pensé qu'ils allaient forcer la présentation d'un septième match. Mais tu sais, écoute, ils n'ont pas été là dans le sixième match non plus. Là. Mais c'est quand même l'avenir est rose à Toronto. Il s'agit tout simplement de se monter un bon banc. Puis je pense qu'on va avoir encore du fun avec les Raptors. Moi, je pense que ce que ça prend, ce serait peut-être un joueur offensif de plus. Un gars, un gars qui peut te donner peut-être un 20-22 points par match que t'as, mais c'est un gars qui peut t'en donner un peu plus offensivement. Mais il y a une chose que moi, je donne crédit aux Raptors, c'est le repêchage. Parce que Tony Burns était classé quatrième partout. Puis il y avait Jalen Suggs qui était disponible, qui avait donné tout un show avec Gonzaga. Puis ils ont dit non, nous, notre homme, c'est Scottie Burns. C'est la recrue de l'année. Ce sera jamais un gars de 25 points parce que c'est un joueur surtout polyvalent, mais c'est tellement efficace qu'il peut être bon un petit peu partout. Fait que chapeau pour le repêchage. Mais comme je te dis, si t'étais capable d'aller chercher juste un gars qui peut, accompagner Van Vliet puis Siakam pour t'en donner un petit peu plus offensivement, je pense que c'est ce qui manquait à l'équipe de Nick. Donc. Peut-être un centre aussi. Oui, je pense que oui, à un certain point, dire un vrai, là, vrai centre, je pense que oui, t'as raison. Parce que depuis le départ de Valanciunas, il y en a eu plusieurs, mais il n'y en a pas eu vraiment qui ont fait leur place. Puis, je me dis que je pense que, comme tu as mentionné, l'avenir est quand même très, très, très prometteur. Mais c'est sûr qu'il y a une déception quand tu vas gagner le match 5 là-bas pour venir à la maison. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se disent hey, là, ça va être toute une surprise. Puis, ce qui est dommage, c'est que Joel Embiid soit blessé à la fin de la série, qu'il ne soit pas là pour le début de la série contre la Heat parce que ça donnera probablement pas la série escompte. En terminant, les Yankees, Blue Jays, les Blue Jays vont perdre la première série. Alex Manoah ne l'avait pas hier. C'était rare parce que Manoah a très, très bien lancé historiquement contre les Yankees. Oui, mais dans le bout de ligne, il a quand même bien lancé. Il a pas mal fait. C'est vraiment la relève qui l'a échappé complètement. Puis, il y a eu un jeu très controversé qui va peut-être ramener un peu la réflexion sur les reprises parce que une souricière, Vlad touche au goal, l'officiel dit non, s'il n'y a pas touché, on voit après si c'est clair qu'il touche, puis là, oups, on va à la reprise. Et on n'en a plus parce qu'on l'a pris un petit peu plus tôt, puis on a eu tort. Puis même quand on a eu tort, on avait l'impression qu'il avait raison. Fait que s'il avait eu raison, il avait gardé à ce moment-là leur challenge. Fait que, est-ce que ça aurait changé le résultat? Probablement pas. Il aurait probablement perdu 3-1 au lieu de perdre 9-1. Mais écoute, les Yankees m'impressionnent parce que moi, je les ai mis en série, mais je les voyais plus deuxième, peut-être même troisième dans la division en arrière des Rays et des Jays. Mais tu vois que cette équipe-là, si ton partant peut te donner un 5 ou 6 manches, on a une bonne relève. Puis offensivement, c'est comme plein de pièces de casse-tête qu'on peut tourner à gauche et à droite un petit peu partout. C'est pas le gros. C'est Judge, leur gros joueur. Puis Judge, moi, je continue de croire que c'était quand même un risque de refuser 213 millions des Yankees. Mais présentement, il est en train de se donner raison. Sauf qu'il peut se blesser n'importe quand puis démontrer que c'est difficile pour lui de jouer 162 matchs. Et chapeau Yankees, parce qu'à un moment donné, il était quelque chose comme 7-6. Puis là, ils viennent d'en gagner 11 de suite. Puis c'est la meilleure équipe dans la Ligue américaine présente. François, merci beaucoup. On s'en reparle dans deux semaines. Merci. Ami François Paquet.